Jeudi c'est jour de tempête, on serre les fesses, on mange un peu et on se prend la tête. À demain et on reste assis dans un coin, écoutez, tenez les cieux en essayant de ne pas penser à l'endroit où l'on pourrait être ailleurs, qu'importe, mais pas ici, où l'on entend la mer pleurer dans 23 jours. C'est la relève, j'espère qu'ils vont pas m'oublier, rester seul, ici je crève, gardien de phare. Quel beau métier. Vendredi c'est jour du poisson, et dire que ça me fait rigoler, c'est quand même triste d'en arriver là, jeter des choses pour les voir en bas, s'écraser contre les rochers, mais c'est le seul moyen que j'ai de chasser les pulsions malsaines qui résonnent longuement dans mon ventre et rongent ce qu'il y a à ronger dans 22 jours. C'est la relève, j'espère qu'ils vont pas m'oublier, rester seul, ici je crève, gardien de phare. Quel beau métier. Samedi c'est jour habituel, on fait des appels au bateau, on couche sa mémoire sur papier, on regarde les mouettes voler et on boit un peu mais pas trop d'un vieil harmonica rouillé. On tire quelques notes maladroites qui s'éparpillent au gré des vents. Il est l'heure d'aller se coucher, 21 jours et c'est la relève, j'espère qu'ils vont pas m'oublier, rester seul, ici je crève, gardien de phare. Quel beau métier. Dimanche c'est jour du Seigneur, je suis pas catholique, mais bon Dieu, je donnerais ma main gauche pour un curé, même une bonne sœur ou un abbé, juste pour pouvoir parler un peu. J'ai peur de plus savoir causer, alors je discute avec la mère qui me raconte des choses étranges et qui veut que j'aille la rencontre